bonsoir à toutes et à tous. C'est Thierry Gallet et c'est la dernière fois qu'on se parle depuis la maison. C'est la dernière saga des Fab Four enregistrée, je le souhaite en tout cas, en principe, le 3 juin, on retourne à la radio, à moins qu'il y ait encore une circonstance exceptionnelle, on ne sait jamais. Donc c'est la saga 456, c'est pour confiner, puisqu'on ne pouvait pas retourner à la radio jusqu'à présent. Et pour cette dernière saga, coup de bol, je vous ai demandé de faire une saga jukebox, c'est-à-dire c'est vous qui avez demandé les titres. Et je les ai juste mis dans un certain ordre. Pour le reste, j'ai ajouté une seule chanson. Vous verrez tout à l'heure. Ça, c'est une chanson que j'avais envie d'ajouter parce, pour une raison que vous connaîtrez tout à l'heure. Oh, hey, soyez pas aussi impatients, ça va venir. Bref, je vous propose... Il n'y a pas d'album de la semaine. Hein. C'est vous qui avez choisi. Je vous cite les premiers. Cayenne, on l'a jamais passé. C'est extrait de l'anthologie. Il y aura Besame Mucho également. Il y aura I'll Be On My Way en live, il y aura Yes It Is et For No One. Voilà pour le début, puis les Beatles, Julia. Pour le reste, vous verrez au fur et à mesure. On est ensemble pendant au moins 2 heures. Et vous êtes, j'espère, sur le groupe Facebook, la saga des Fab Four. Pour pouvoir commenter, c'est le topic qui est tout en haut, sur lequel vous voyez le jukebox d'ailleurs. Avec Thierry Gallet a écrit, puisque c'est moi Thierry Gallet. Et voilà pour le reste. J'espère qu'on va passer un bon moment. Et je suis drôlement content de vous revoir en façon de parler à la radio, parce que ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le générique est quasiment terminé, donc je laisse couler. Et on commence par Cayenne. C'est un pré-Beatles qui ne dure pas très longtemps. Il dure... 1 minute 13, voilà, c'est la préhistoire des Beatles, c'est sympa. C'est déjà fini. Et il n'y a pas Ringo Starr. Donc, c'est 3/4 de Beatles dans ce morceau. Cha-cha, boom! Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something new, my arms are folding. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Yes, oh dearest one, if you should leave me, take wings and my life will be through. Thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me? Where spring, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. C'est Paul McCartney qui fait découvrir au groupe cette chanson qui passe d'un ton mineur pour revenir en majeur. Caractéristique qui plaît beaucoup aux jeunes bassistes. Avec une touche d'humour, elle est jouée par les Beatles depuis 1961 sur scène, à Hambourg et à Liverpool. Elle sera enregistrée à 3 reprises par le groupe britannique et publiée officiellement sur le disque Anthologie en 1995 seulement. Ils enregistrèrent cette chanson le 1er janvier 1962 lors de leur audition chez Decca Records. Paul McCartney s'occupe du chant et de la basse. John Lennon est à la guitare rythmique. George Harrison est à la guitare solo. Et Pete Best, justement, est à la batterie. Cette version n'est tout de même pas incluse dans le disque anthologien. On lui préfère la version que le groupe réenregistra lors de la première séance dans les studios de la EMI le 6 juin suivant. Enregistrement qui restera dans les cartons pendant 33 ans. Elle sera aussi enregistrée fin décembre sur scène à Hambourg, cette fois avec Ringo Starr, derrière les fûts. Et cette version sera publiée en 1977 dans un bootleg intitulé « Live at the Star Club in Hamburg, Germany, 1962 ». Finalement, on peut voir le groupe jouer cette chanson en 69 dans le film « Let it be » et plus récemment dans le documentaire « J'ai tapé dans le micro » dans le documentaire « Anthologie ». Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Voici « I'll be on my way ». On reste dans les très vieilles vieilleries, mais c'est vous qui l'avez demandé. The sun is fading away. That's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. To where the winds don't blow and golden rivers flow. This way will I go. They were right, I was wrong. True love didn't last long. As the June light turns to moonlight, I'll be

Quelle belle chanson, minimaliste au niveau des paroles, maximaliste au niveau de l'ambiance, avec cet ancêtre du synthé qui monte progressivement jusqu'à tout recouvrir, ou presque. Et puis l'idée de John Lennon de dire au technicien « tu coupes là ». Oui, mais John, ça fait pas un nombre de pieds suffisant, c'est pas dans le tempo. Je m'en fous, tu coupes là. Et on a coupé alors qu'on s'attend à un nouveau tour, comme ils disent. Et en plus, du temps où vous aviez des tourne-disques, messieurs, dames, je vous parle aux plus anciens, juste après cette dernière note, le bras montait et se rabattait. Donc ça nous faisait une grosse surprise. Maintenant, ça se fait moins, parce qu'avec le CD, ça n'existe pas. Mais quand même, c'était plutôt assez sympa. J'ai adoré, dès le début, cette chanson. Une ambiance vraiment extraordinaire. Je vous propose, en 1974, de retrouver sur l'album « Goodnight Vienna » de No No No Song, cette chanson amusante dans laquelle Ringo Starr dit « Je suis allé dans le Tennessee, j'ai rencontré une nana qui m'a proposé du whisky, j'ai dit « Oh non, j'en bois plus, ça me fait tomber par terre et puis après j'ai du mal à me relever. » Et après je suis allé à je sais plus où et on m'a proposé de la cocaïne, « Ah non, j'en prends plus parce que je tombe par terre et après j'ai du mal à me relever, blablabla. Bla, » bla, bla. C'est très très sympa. C'est dans la saga des Fab Four, la saga confinée, le 11e et dernier, j'espère, enregistrement à la maison. A lady that I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. Tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest. No, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Donc il dit qu'il prend plus de marijuana, il prend plus de cocaïne, il ne boit plus, etc. Et à la fin il dit, je prendrai bien un autre verre. Donc c'est de l'humour, quoique. Il a eu une mauvaise période entre 75 et 80, dans laquelle il buvait beaucoup plus que de raison. Mais n'en parlons plus, puisque maintenant il va très bien. Il va avoir 80 ans, c'est quand même dingue. Et il est dans une forme absolument fabuleuse. On lui donnerait allez, entre 55 et 60 ans, peut-être, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Dans les deux chansons suivantes, il y a la chanson que j'ai rajoutée. Vous avez demandé, parce que c'est une saga jukebox, c'est vous qui avez fait le programme. Vous avez demandé Goodbye, la démo faite par Paul McCartney pour Mary Hopkins. Eh bien, je vous ai rajouté Mary Hopkins. On écoute d'abord la démo de Paul. Et comme la chanson de Mary Hopkins est très bien aussi parce qu'elle a une très belle voix, voici les deux à la suite, l'une de l'autre. Considérons que c'est une cover. Please don't wake me up too late. Tomorrow comes and side. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Cette chanson de Mary Hopkins sur son album Postcards en 1969. bien évidemment, John Lennon parle de Yoko Ono. Mais bon, c'est pas grave, c'est une belle chanson de 1973, extrait de l'album Mind Games. Vous êtes bien sûr érigé. Enfin, à partir de la prochaine fois, ce sera RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Là, c'est la dernière saga des Fab Four enregistrée à la maison, la 11e depuis le début du confinement. Et c'est la saga des Fab Four numéro 456. We wasted time and again on things. Things we already knew, fun to do. I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to run. Can go through our love. We can do things that they said were impossible. Through our love, we can do all that we want to do. We can go through our love. We can go. You will be mine. I wanna be with you. I just wanna do whatever feels right. You got the power of love, and love has the power to turn on the light. Here we go. Paul McCartney, le romantique, c'est vous qui avez demandé le programme, il y a un peu plus de McCartney, pensez bien que ça me réjouit. Et le romantique, parce que Through Our Love, on peut considérer ça comme grâce à notre amour, on peut faire des choses que les autres disaient impossibles. C'est beau, hein ? On revient toujours à McCartney, quelques années auparavant, 12 ans auparavant, en 1971 sur l'album Wildlife. Voici la chanson Tomorrow. Around. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Run, devil, run. The angels having fun, making winners out of sinners. Better leave me boys done. Album sorti après la mort de Linda en 1999, en octobre 99. Je parle de la sortie de l'album. Déstabilisé par ce choc, il préfère ne pas se livrer à l'écriture de chansons sur ses sentiments et se replonge dans les vieilles chansons rock'n'roll de sa jeunesse. Plutôt que de choisir des titres connus, il jette son dévolu sur des phases B, des singles, des autres chansons oubliées, auxquelles il ajoute trois de ses compositions de son cru dans la même veine, tel point qu'on ne sait pas si c'est des vieilles chansons oubliées ou une chanson de McCartney. Et là, c'est le cas. Run, Devil, Run est une chanson de McCartney, ainsi que Try Not to Cry et What It Is. Pour cet album, Paul McCartney a fait appel à des musiciens de sa génération, par exemple David Gilmour, avec du groupe Pink Floyd, bien sûr, qu'il connaît déjà pour avoir joué avec lui sur des albums comme Back to the Egg ou Give My Regards to Broad Street. Il invite également Ian Paice de Deep Purple et Dave Mattax de Fairport Convention. Il enregistre dans les studios Abbey Road de Londres, si familier, avec son ancien complice du temps des Beatles, Geoff Emerick, comme ingénieur du son. Le tout réalisé dans des conditions de spontanéité qui rappellent McCartney à ses débuts. Ça lui fait du bien de se replonger dans du rock dès qu'il a un gros coup de blues. Vous êtes bien dans la saga des Fab Four numéro 456. C'est encore confiné, c'est la dernière. C'est le home recording numéro 11. Et je vous propose John Lennon, c'est vous qui avez choisi tous les titres de ce soir avec Cripple Inside sur l'album Imagine. Yeah.

To me you are the loveliest thing I've seen all day. And you can't take that away. No, you can't take that away. All my life I wondered why it couldn't be this way. Above suspicion, without permission given to you. The romantic side of Paul McCartney would say lovely Rita. Vous êtes bien sur RIG 90.7 en temps normal et www.rigfm.fr, c'est la saga des Fab Four en confiné une dernière fois, le home recording numéro 11. Et c'est vous qui avez fait le programme, c'est la saga Jukebox. Et merci à la personne qui a pensé à ma chanson, une de mes chansons préférées de Paul McCartney. Voici So Glad to See You Here. Saga, right here on your radio with Thierry Gallet. Sitting in the back. la suite dans la saga des Fab Four. So glad to see you here en 1979 sur Back to the Egg. I'm the Walrus, on était revenu 12 ans en arrière en 67 sur Magical Mystery Tour. Et à l'instant, Backseat of My Car sur Ram en 1971. Et si on faisait un petit tour du côté de Ringo Starr, voici deux chansons de Ringo Starr, dont une avec Paul McCartney. Ringo a dit que McCartney a dû participer à ses enregistrements 5 ou 6 fois depuis la séparation des Beatles. Et en voici une en 2010 sur l'album Why Not, c'est Walk With You. Et ensuite il y aura Don't Go Where the Roads Don't Go. Where? Ringo Starr dans la saga des Fab Four qui reste un élément excellent que j'aime beaucoup et qui est bien, comment dire, qui mériterait d'être reconnu beaucoup plus, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour sa carrière solo, parce que c'est quand même franchement pas mal ce qu'il fait, voire même très bien. Et vous allez me dire, George Harrison, mais vous avez demandé de George Harrison. Voici deux chansons d'amour, une de George, une de John. La première, c'est Just For Today. Et la seconde de John, c'est Love, sur RIG, dans la saga des Fab Four, numéro 456. C'est en confinement, donc c'est le home recording numéro 11, et le dernier a priori. Just for today, I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. If just for one night I could feel not sad and I'm love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting. Is love. Love is reaching. Reaching love. Love is asking. Que ce n'est pas la version au piano, mais la version acoustique à la guitare faite, enfin parue en tout cas sur l'album Acoustics en 2004 par John Lennon. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. It's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Paul McCartney en 2005 sur l'album Chaos and Creation in the Backyard, qui retrouve le Beatle Paul McCartney de 1966 Revolver. C'est vrai, cette chanson aurait pu paraître sur Revolver, elle aurait été largement aussi bien. Single pigeon through the railings, did she throw you out? Sunday morning fight about Saturday night. Beware of darkness. version simple, simplifiée, déspectorisée, on pourrait dire, de Beware of Darkness. Vous avez demandé les titres, mais en fait, c'est moi qui choisis les versions. Et je voulais vous surprendre, peut-être, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette version qui est parue sur le remaster de All Things Must Pass, qui est sorti en l'an 2000. On reste avec George Harrison et sur le même album, All Things Must Pass, avec deux morceaux que vous connaissez. Et je pense que très très vite, au minimum au deuxième morceau, vous allez monter le son très très fort. I feel I can't say. Comme quoi, un mur de son, c'est bon aussi, que ça dépend de l'ambiance qu'on veut mettre sur une chanson. Et là, sur Wawa, c'est absolument extraordinaire. Revenons sur le côté romantique de John Lennon. Lui, qu'on qualifiait de rocker, il était aussi capable d'être tout doux, tout gentil. Il avait écrit... comment s'appelle-t-elle cette chanson ? Goodnight ! Goodnight pour Julianne, mais c'était Ringo qui l'avait chanté du temps des Beatles en 68. Il a écrit Beautiful Boy en 1980 pour son fils Sean, et c'est lui qui le chante cette fois-ci. Là, voici la chanson. 1, 2, 3, 4. Good night, Sean. C'est mignon. Une version très légèrement différente, c'est que vous retrouvez sur l'album Dakota 4 de 1998. Et cette chanson, eh bien, c'est sur l'anthologie. Voilà, quand je disais Dakota 4, c'est Anthologie 4 Dakota en 1998. Je voulais vous passer une version un tout petit poil différente. D'ailleurs, justement, à la fin, il dit Darling Sean dans la version que vous connaissez. Et là, il dit Darling Boy. Et puis il dit Good Night John. Voilà. Nous avons dépassé les 2 heures, les gars. Je vous ai donné de mauvaises habitudes. Il faut demander à Eric si on peut continuer. Eric ! Ok. Bon, alors on continue un petit peu parce que c'est la dernière. C'est la saga des Fab Four numéro 456C. C'est pour confiner. Et c'est le 11e home recording. Mais probablement, si tout se passe bien, c'est le dernier. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. En temps normal, oui. You 1998 avec Elton John et Sting. C'est extrait du concert for Montserrat. Il y avait eu un problème là-bas où George Martin avait un studio et pour rassembler de l'argent, ils avaient fait un concert caritatif dans lequel Paul McCartney a chanté Hey Jude, donc avec Sting et Monsieur Elton John. On les a entendus tous les trois. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to really going to raise it to the sky. People are ready to forgive a few mistakes, but let's get started for the party. Don't you know how long it takes? Come on, people, let the fun begin. We've got a few 90.7, la radio des Beatles. Somebody Who Cares, extrait de l'album Tug of War en 1982. Auparavant, bien entendu, l'extraordinaire Free as a Bird qui nous a donné à tous des frissons en 1995 lorsque l'album Anthology 1 est sorti et qu'on a entendu pour la première fois depuis 25 ans la voix de John et de Paul ensemble, puisque Paul vient se plaquer sous la voix de John Lennon. Et en fait, pas seulement ça, puisque sur cette chanson Free as a Bird, il y a John, il y a Paul, il y a George et il y a Ringo, donc les quatre Beatles ensemble. Et quel dommage. On peut imaginer, enfin moi j'y crois vraiment, que si les quatre avaient été vivants, ils nous auraient fait pas un titre comme ça, ils nous auraient fait un album entier juste pour marquer le coup. Après ils seraient repartis dans leur carrière solo, mais je suis persuadé qu'ils auraient fait un album entier et que ça aurait été vachement bien. Paul McCartney, mais c'est vous qui l'avez demandé. House of Wax sur l'album Memory Almost Full en 2007. Je le dis régulièrement, mais je le pense. En 2007, Paul McCartney fait toujours de la qualité. C'est une très, très belle chanson. Si le public suit moins, eh bien, tant pis pour vous, le public. Vous n'avez qu'à vous rendre compte à quel point ce mec est une légende, ce mec est un génie. Et ben, lorsqu'il sera parti, on dira « Ah oui, il est fantastique » et tout ça. Nous, à la saga des Fab Four, on le dit maintenant, tant qu'il est encore là, ce mec est fantastique. Celui-là aussi, il était bien. C'est George Harrison pour la dernière fois avec Tear Down sur RIG dans la saga des Fab Four. Et en fait, dans la saga des Fab Four, en confiné, saga numéro 456, Home Recording numéro 11. By your grin, that you're trembling within, it's all You want me to do a take? Yeah, let's do one. I'll do it. Okay. Okay. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, racks and riches, dogs and bitches hunt for fame. Difficult to know. Okay? Je voulais laisser jusqu'au bout. C'est la version du clip vidéo que je vous ai donné de Queenie Eye. Nous terminons cette émission. Oui, je sais. Oh, il finit déjà. Oui, bah, il faut quand même. Il faut. Avec ce que vous m'avez demandé. Et bah, c'est souvent. C'est un des plus beaux. C'est le plus beau morceau. Pff, non, c'est une partie de la face B, mais c'est. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Golden Slumbers Carry That Way, The End, à la suite. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not C'est vrai, à la fin, l'amour que vous obtenez, c'est l'amour que vous avez donné. Oui, ça se termine. C'est la fin de ce 11e home recording de cette saga 456C pour confiner. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, ce sera au mois de juin. Et je pense, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, eh bien ce sera en direct à la radio, 20h-22h, oui, seulement 20h-22h, le mercredi, sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles le mercredi. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir réussi à rester pendant ces sagas confinées qu'on a fait ensemble. J'ai adoré faire ça, c'était plus compliqué que de le faire à la radio, mais c'était vraiment sympa. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Salut, ciao. Love me.